sun won't shine for me today. Just sit down as you move around. I am my own victim, and I choose not to fight. I don't want to hear a sound. I just sit down as you move around. I'm my murderer. I stab myself in the back. All life to make a break. A second to break the wall. Wasn't sure I could stand tall. Salut tout le monde, c'est les enfants de Panurge. Hello. Hello. A plus, ciao. À bientôt, ciao. Une heure du matin, dans le port de Saint-Malo, y a ce marin qui boit, qui bascule entre deux eaux, la carcasse imbibée de chagrin. De peine et de vin. Sa croisière en solitaire, ça fait 20 ans qu'il se la traîne. À crier dans les bordels que la vie est une chienne. À prier sous le poids d'une poignée de femmes de joie. Oh, sa nuit, oh, c'est comme ça qu'il appelle son bateau. C'est son soleil, sa chair et ses os. L'ultime pierre de son édifice, son dernier complice. Mais demain, tout ira bien. Demain, tout ira bien. Et si demain, tout ira bien. Demain. Tout va bien. Sous l'orage. porte Saint-Malo. Et cette rumeur qui court, qui se raconte dans les tripots, qu'un marin serait parti au matin et que sa vie lui aurait posé un lapin. Une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Now, here comes the music. We're online. We'll be right back. Bonjour, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, tous les vendredis soir à partir de 20h30 habituellement, mais depuis trois éditions, donc depuis l'édition numéro 446, 47 et aujourd'hui 48. Donc nous commençons à 19h30, donc depuis la prise de l'antenne, on a déjà pu écouter quelques musiques de nos artistes, des artistes que nous connaissons, des artistes que nous avons reçus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Par exemple, on avait commencé avec les Burning Head. Le titre qu'on a écouté s'appelle les Wall Life. Ensuite, c'est un groupe qui a participé à Mavrika Live, mais qui n'est jamais venu dans l'émission. D'ailleurs, il va falloir remédier à tout ça. Il s'agit du groupe Les Enfants de Panurge. Et le titre que nous avons écouté s'appelle Saint-Malo. Et ensuite, à l'instant, on s'est pris une bonne claque. C'était La Claque par nos amis de Red Daff. Vous savez maintenant, le vendredi soir, c'est l'émission avec les artistes de la région. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont venus très loin dans notre radio pour justement faire découvrir un peu leur travail. On en a encore plein à vous diffuser. Donc, on est ensemble de 19h30 jusqu'à 22h30. Voilà, c'est les nouveaux horaires. Pour l'instant, on peut pas recevoir d'invités dans les studios. Vous savez pour quelle raison. Mais par contre, dès que ça sera possible, on vous recontactera parce que beaucoup de gens me disent voilà, quand est-ce qu'on peut programmer une émission. Pour l'instant, il n'en est pas encore question. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour l'instant, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, eh bien, on vient chacun à son tour, chaque animateur. Pour l'instant, nous n'avons pas le droit d'avoir d'invité. Peut-être on pourrait voir aussi pour faire quelques interviews au téléphone, des choses comme ça. Mais dès que ça sera possible, vous reviendrez dans l'émission de Mavrika parce que vous le savez, l'émission de Mavrika, c'est l'émission avec des vrais morceaux de live dedans. Donc je vais vous en diffuser quelques-uns au cours de cette soirée. On va continuer d'ailleurs avec Arcadia, le groupe Arcadia. On écoutera aussi les Munson qui est venu à deux reprises. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas de contact avec lui, mais on nous avait interprété un morceau qui s'appelle Island Spirit que nous allons écouter. On va aussi écouter Pierrick Vivares que nous avions interviewé au téléphone. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, ce monsieur, mais par contre on a un morceau à lui et on va l'écouter avec beaucoup de plaisir. Et on continuera aussi avec le groupe Fatal Picard que nous avons déjà interviewé à deux reprises. Une fois, c'était à recréer une vraie brèche en chair et en os. Une deuxième fois, c'était par téléphone où on avait eu Paul, le chanteur. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Restez avec nous. Elle est la fièvre qui nous tourne de l'intérieur. Une tornade qui nous emballe, qui nous attend en embuscade. Dans ce sanglot, il y a du Rimbaud qui nous percute sans dire un mot. Donnerait tout ce qu'elle veut. Un truc brutal ou trop mielleux. Du moment qu'on est dans ses yeux. L'indécision et puis la peur de se brûler de l'intérieur. Un vent violent qui nous amène de la cocaïne dans les veines. L'adrénaline dans son regard, et se dire qu'il n'est pas trop tard, et que ce n'est pas la mer à boire. His clan across the hills, the eagles fly forever. The encounter of the hand lady chant the life to melancholy. Along the luck, the story lives forever. Got away, got away, is my love. Slide away, my life. Over the sea, fighting hell. You know of the goodbyes. It's far, far away. The past leaves like today. The bad times will play. And we will come. When you walk, walk away. Black spirits of this place. It's the hollow spirit. She was a young hollow lady. Waiting for an idyllic visit that never came. She was back too late. Now both are over the shining, the meeting of their destiny says to us the feelings are eternal. Gone away, is my love. Slide away, my life. Over the sea, if I see her. You know all the goodbyes. Beaucoup de monde. je n'existe plus vraiment. Il ne reste que mon corps. Seulement mon corps. D'être nos corps. Tu fais de la musique. Tu fais de la musique. Pour les clubs libertins. Tu fais de la musique. Tu fais de la musique. J'avance fébrilement et prudemment dans un dédale de brume, de rideaux et de miroirs. Je cherche mais je ne sais pas quoi. Un regard, une main posée sur moi. Je cherche et j'ai un peu peur, je crois. L'odeur de l'amour et du hasard font perler mon front. Alors dans un râle de bonheur, je branche mon synthétiseur. Tu fais de la musique, tu fais de la musique pour le club libertin. Tu fais de la musique, tu fais de la musique pour le club libertin. Cette mélodie semble pousser les cœurs et les corps jusqu'à la folie. Mes doigts fébriles tentent vainement de caresser les notes de mon clavier, mon keyboard. Une voix tout proche, celle d'une femme que je ne connais pas encore, me susurre en pleurs. La solitude me fait peur. Non bébé, il ne faut pas avoir peur, car dans un geste sûr, je reboote le son. Tu fais de la musique pour le club libertin. Tu fais de la musique, tu fais de la musique pour le club libertin. Tu fais de la musique, tu fais de la musique pour le club libertin. Tu fais de la musique, tu fais de la musique. Together on the first time. magic is running on my veins. Well, it's running on my veins. Magic, every time I turn on my radio. Magic, every time I read a newspaper. Just walking down the street, they look in the mirror, but they can't see no face. They don't know who they are, they don't know where they go, they don't know why they be here, they don't know about nothing. I'm cheap and break up Jamie, because all around that world is beyond that party. displayed every day. Jerry knows you so on the cool, now leaves growing out. Instead of being alone and being loved one day. And despite every day, Jerry knows he's old. Never share your dreams. It's better being alone than being lost one day. Left out is down. You better lose something else. And I don't care who lives. Quiet and shine your days. Scared to be on the road. Sad with a girl, better 6 feet under. Despite every day, was hiding far away. Scared to be a man, never gave you anything. Just comes in body love. Never gave you anything. Cause soon as summer comes, was hiding. Cold in his place, despite every day. Jerry knows he's on the cool, my lips crowding out. It's better being alone than being lost one day. Pourquoi partir? Pourquoi? Donc une émission super tranquille ce soir, on écoute beaucoup de bonne musique. Alors j'ai mis la liste de tous les artistes que nous allons diffuser ce soir, comme ça vous pourrez retrouver, par exemple s'il y a des morceaux qui vous ont plu, vous pouvez les retrouver sur le mur de la page Mavrika sur Facebook, hein, tout simplement. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. On a écouté pas mal de musique, d'ailleurs on a écouté depuis le début du programme, je vais vous le dire, le programme jusqu'à présent. Donc il y avait les Burning Head avec Wall Life, les Enfants de Panurge avec Saint-Malo, Red Daff La Claque, Arcadia La Verticale, Munston Island Spirits, Pierrick Vivares avec T'es Parti, les Devon Miles avec Do It Break, Custom avec Bad Day, Neutral I Don't Care, les Chaos, un groupe qui est déjà venu à plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika et qui a participé aussi à un Mavrika Live et avec un titre que j'aime beaucoup, hein, que j'aime toujours autant, il s'appelle Jerry. Et à l'instant, bah, c'était un titre qui avait été interprété ici, ça a été enregistré à une époque, on a la version Mavrika et là on vous a diffusé la version enregistrée en studio, donc la version du dernier album, hein, l'album qui est sorti après la fin du groupe des Garens, un groupe qu'on qu'on regrette beaucoup en tout cas. Et le morceau s'appelle Il est tard. Et l'album, vous pouvez, si vous pouvez encore le trouver, s'appelle Obsession. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et on continue encore à écouter de la bonne musique. Alors, juste derrière, il y aura Gunwood, Last Avenue, avec chacun un titre différent. Hein. Donc, Gunwood, ça sera Traveling Soul. Et Last Avenue avec Maniac. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est l'émission Mavrika jusqu'à 22h30. Traveling soul, where you gone now? Traveling roads, way down. Traveling soul, wherever you gone now? Travel the road safely home. Traveling soul, where you gone now? Traveling roads, way down. Traveling soul, wherever you gone now? Travel the road safely home. Thank you. sera ton destin. Nuit sauvage, week-end de fête, je cauchemardise après les steppes. C'est comme ça, je repense à cette eau du goût du vide. Me transporte, tu m'envenimes près de toi. Cette eau du goût du vide, me transporte, tu m'envenimes loin de moi. Quel citron à l'idée même de changer mon quotidien. Tu me portes et me révèles à l'apogée de mon chagrin. Décomplexé, surexcité, je m'écrase en deux temps parmi les tiens. C'est comme ça, j'ai besoin de cette eau du goût du vide. Mouche, petite larve, une poussière dans les yeux, au goût de miel comme ta mère, aussi belle que ton papa, t'arrives même pas à t'essuyer toute seule. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus tu louches, tu ne vois rien, tu mets tes doigts dans mon yeux, pas très à droite, un peu gauche, un petit peu comme ton vieux. Par contre pour viser dans la couche, tu y arrives très bien. Ça te fait marrer de me voir m'inquiéter, le nez pincé. Est-ce bien normal qu'une petite fille puisse à ce point-là se larguer? Je vais changer ton prénom en Pentecôte, on va voir qui va se marrer. Tu ne sais pas lire, t'es trop nul, t'es juste bonne à faire des bulles, même pas à écrire. Mais d'où tu sors? Oui, je sais, du cul de ta mère. Non mais ça veut dire quoi un bébé aussi vulgaire? petite Charlotte, regarde bien autour de toi, le néant et tu l'es tu. Tu es le lien, le matin, le petit rien qui nous fait nous. Tu es le rire des soirées, la colade, les copains, les nuits d'été. Tu es le vin, la bière et le chichon, mais ça je peux m'en passer des fois. J'espère que plus tard tu me pourras me pardonner d'avoir obligé d'être là. Car ici-bas, la chaleur et les flammes nous nous toujours. Car ici-bas, la chaleur et les flammes passeront à très fort. La consommeuse, la consommeuse, et on fera tellement de bruit qu'on n'entendra pas les sirènes. Et on fera tellement de bruit pour dès que ta mère est une reine. Et lorsque tu seras puni, je leur dirai qui je suis. Je leur dirai qui je suis. Je leur dirai qui je suis. Je leur dirai qui je suis pour empêcher ça. When I'm permis. Des garçons faciles, soyez difficiles, passez votre chemin pour les filles faciles. Si vous êtes comme cela, téléphonez-moi, nous ne sommes pas des fossiles. Nos plaisirs sont mobiles, le désir est aussi, vous êtes un bon lubile. Si vous n'êtes pas comme ça, téléphonez pas. Sing it now! ne sait pas quoi faire pour le déboucher. Tu te désespères, ta femme est coincée sur le mode vénère. Heureusement, il y a Didier. Didier, il sait tout faire. C'est bien travaillé, un bricoleur hors pair. Il sait tout déboucher. Il y a ta grand-mère coincée dans les WC. Elle ne peut rien faire, son colon est bouché. Reste tranquille, pépère. Pour cette sale affaire, heureusement il y a Didier. Didier, il sait tout faire, il sait bien travailler. Un bricoleur hors pair, il sait tout déboucher. Pas un WC sur terre ne peut. Pas même une grand-mère au colon bouché. Il a le savoir-faire, il a le doigté. Elle est bouchée grand-mère. Heureusement, il y a Didier. Didier, il sait tout faire. Il sait bien travailler. Yeah. c'est Mavrika. She said, if you could remember where I left you. I'm standing on that train station that day, as you were, as you were, as you were. She said, you are for me Russian prince of all. You are a cup I shouldn't sip from. You are an offer I can't refuse. She said, how like the well I fell on your face. Oh, how like the way your long fingers play, as you were, as you were, as you were. No, I wish I met you many years ago, and I was younger in my dream. I wish could see me through the fog. I wrap you around my skin. She said, how like the way love felt on your face. Oh, how like the way your long fingers play, as you were. Certains projets, et je prolonge la nuit. Je vis caché, tu vois. Je passe mon temps à regretter. J'attends le jour après. And she said, how like the way love felt when you're fading. Oh, left my, as you were, as you were, as you were. No, personne ne m'a réveillé cette nuit. Les étoiles sont éteintes, non. Tu glisses vers la sortie. La vie est bien morte. Summertime, and the living is easy. chargeant en de cartes. And your living is easy. So hush, little baby, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Alors ce soir, c'est une programmation 100% musicale. Voilà, il y a certaines radios qui se vantent de le faire. Nous, on le fait. Ils se vantent de le faire, mais ils ne le font pas forcément. Nous, on le fait sur Radio Arc-en-Ciel. Donc que de la musique. On a écouté pas mal de choses. Alors tout le programme, il est sur le Facebook de l'émission Mavrika. Allez-y, vous aurez tout le programme de tous les groupes que vous allez écouter, les groupes et les artistes solo aussi. Tout à l'heure, donc, je vous avais présenté déjà le groupe Gunwood avec Traveling Soul, le groupe Last Avenue avec la reprise de Maniac de Michael Sambello des années 80, donc une reprise que j'aime beaucoup, les From Dust to Nowhere avec le Silence est d'or, la Mécanique des Sourds, un groupe de Tours qui nous interprétait un morceau qui s'appelle Charlotte, Melody Road qui aurait dû participer au Mavrika Live numéro 12, hein, mais il a été annulé, hein, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, mais ça sera reporté, donc la prochaine date a encore maintenu, hein, pour l'instant on ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite, mais le 21 novembre normalement il y aura le Mavrika Live numéro 12, ça sera reporté et vous pourrez retrouver donc Melody Road, et le morceau qu'on vient d'écouter, qu'on a écouté tout à l'heure, s'appelle Freedom. On a écouté aussi les Twister Covers que nous avons reçus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté avec un morceau qui s'appelle All Alone. Les Thérèse Électrique qui sont déjà venus plusieurs fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui ont participé aussi à un Mavrika Live, le groupe Thérèse Électrique avec un morceau qui s'appelle Facile, les Iron Troopers, donc reprise, c'est le groupe tribute des Iron ça va me revenir d'Iron Maiden, voilà, je sais pas pourquoi j'ai oublié, donc Iron Trooper pour moi c'est plus évident qu'Iron Maiden, carrément, hein, parce que c'est le groupe de reprise donc de la région orléanaise avec The Evil That Men Do. Juste après, c'était Didier, une chanson qui a été faite pour notre ami Didier, hein, que on retrouvait dernièrement, avant, dans toutes les émissions Mavrika, qui m'a accompagné très longtemps. Hein, donc, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles dès que c'est possible, dès qu'on pourra revenir. S'il a envie de revenir ici, il y aura pas de souci. Donc, c'était Didier, une chanson qui avait été composée pour lui par notre ami David McLean. On a écouté aussi la version de Mea Culpa, la version Mavrika, la version qui a été enregistrée ici dans les studios. Donc c'était au mois de décembre, c'est toujours au mois de décembre, ils viennent toujours tous les ans au mois de décembre, le groupe Lajari. En tout cas les deux frères Porto, donc David et Benoît. Et ils nous avaient interprété une super chanson, c'est Mea Culpa. Et là c'était vraiment la version Mavrika, même ils le disent dedans, ça nous fait vraiment plaisir. Une autre version qui a été enregistrée aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était la version de Zoolife, As You Were, qu'on vient d'écouter à l'instant. Et qui date de l'émission numéro 251. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Le groupe Zoolife qui est déjà venu à deux reprises. Hein, le groupe c'est un projet en vérité, il est tout seul. Il est déjà venu à deux reprises, c'est un projet qui vient de Paris, hein. Donc ils sont venus jusqu'à la radio Arc-en-Ciel, hein, ici à Orléans. Et ils ont participé aussi à la guinguette de Maverika, donc Zoo Life, As You Were, une très belle chanson superbement interprétée et que nous avons enregistrée ici. Ça fait vraiment plaisir. Oh, bah, on va continuer avec de la musique. Hein. Vous êtes nombreux aussi à mettre des petits likes, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'écouter un morceau en particulier, vous pouvez le faire. On va commencer à faire ça pour les émissions suivantes. Puisque de toute façon, on ne peut diffuser que des morceaux. J'interviendrai de temps en temps pour vous dire que je suis là dans le studio et comment on avance dans l'émission. Bah là, on continue en musique. Alors là, je vous ai préparé encore quelques morceaux. Un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Ils viennent régulièrement sur Orléans. Si vous avez l'occasion d'aller les voir sur scène, il faut pas hésiter. Ils sont deux. C'est le groupe No Money Kids. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Take Me To Your Home. Et après, on écoutera The Stimbleman, un artiste qui est venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec un morceau qui s'appelle Just Be Yourself. Et juste après, ça sera Shaman, aussi un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Maverika. Il y en a un paquet, il y a toute une liste. Hein. Ces jours, il va falloir que je m'amuse à la faire et la publier. Vous serez étonnés. Hein. J'en ai fait rentrer du monde dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Shaman avec un titre qui s'appelle Union. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez avec nous, hein, c'est jusqu'à 22h30 et puis on écoute toujours de l'excellente musique. Just be yourself, don't be a pound, just be a yourself, not someone. Now just be yourself, don't play to sleep. For you fade. Hey. Say we must be like the others, but however, we've got different ideas. We cannot be somebody. Place is already taken. Just be yourself, don't be a clown. Just be yourself, not someone else. Just be yourself, don't play to sleep. For you, for your fate. Just be yourself, don't be a clown. Just be yourself, not someone else. Just be yourself, don't play to sleep. For you, for your fate. Thank you. I'm a low back. Why should I tell him to be careful? I stay on the phone. I don't like meaning. There's some choice to blow my mind. How can I not be going crazy? Now my screen is reflecting hate. On your ear, I will run with my in that sound. To blow my mind, how could I not be going crazy? And every screen is reflecting hate. On your ear, I will run with my in that sound of people who was broken by the sound I feel. Then jump the light, shattering the skies. Let's go find this way to thing is no wine. Je te jette.

qu'elle sort maintenant avec mon ex-petit copain. Je ne veux vraiment pas que vous pensiez que ce que je dis est déplacé, mais voyez donc comme elle est mal tournée. Un air austère, des cheveux gras, filasse, une coupe de pékinois, des yeux bigleux, un cul tordu, et même pas de jolis seins maintenus, une tenue vestimentaire qui montre qu'elle est un brin vulgaire. Et je vous assure, je suis encore dans la mesure. Prends donc ma place, je la laisse vide, évite de la rendre totalement insipide. Je sais bien que passer juste après moi, cela ne sera pas facile pour toi. Une robe achetée sur le marché, des chaussures qui n'ont pas d'allure, des collants qui sont tout filés, et puis un manteau tout usé. Je parie que cette fille, vu le look qu'elle a, n'a même pas le cuit d'un anchois. Et je vous assure, je suis encore dans la mesure. Elle a la taille d'un nain de jardin, des mains velues, des dents de lapin, le nez cassé et des grands pieds, une bouche qui est mal dessinée. Regardez-moi ces lobes d'oreilles, on dirait qu'ils sont pas pareils. Et je vous assure, je suis encore dans la mesure. Prends donc ma place, je la laisse vide, évite de la rendre totalement insipide. Je sais bien que passer juste après moi, cela ne sera pas facile pour toi. Au fond, ça n'a pas d'importance, car ce mec, vraiment, je m'en balance. Je voudrais surtout pas que vous croyiez que j'y suis encore attachée, mais en toute objectivité, cette fille est une vraie mocheté. Et je vous assure, je suis encore dans la mesure. Quoi, vous ne semblez pas d'accord, vous me dites que j'en rajoute encore, que cette fille est pas mal fagotée, qu'on peut même s'y intéresser, qu'elle a un air pas si niais que ça, et qu'au final, il l'aime comme ça. Ah, je vous assure, c'est pas moi que ça rassure. Prends donc ma place, je la laisse vide, évite de la rendre totalement insipide. Je sais bien que passer juste après moi, cela ne sera pas facile pour toi. Prends donc ma place, je la laisse vide, évite de la rendre totalement insipide. Je sais bien que passer juste après moi, cela ne sera pas facile pour toi. Et trahison, tyrannie, oppression. Je fais bien sûr allusion à vos bobards et illusions. Expulser les étrangers alors qu'ils vous ont bien arrangé. À une époque pas si lointaine, vous les exploitiez par centaines. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, nous voulons nous sentir protégés. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait, pas d'illusion. Politique, fasciste, antisémite et raciste. Mais peu importe l'origine qui est la nôtre, l'important c'est l'amour de l'autre. Odessa et FN, ils n'inspirent que la haine. Véritable gangrène, tous les mêmes. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, véritable égalité. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait. Trahison, tyrannie, oppression. Voici la véritable facette de votre programme qui n'a ni queue ni tête.

ashes to ashes, dust to dust. You know the rule of life is the same for each other's. Well, so the fact is existence is so precious. The essence of my life to you I wanna tell. So many things to do, I don't know where to start. One day I'll leave to you the best part of my heart. I will readjust then, you know, when you remember that no one lives forever after me. There'll be a legacy, a message I send to my family to reach immortality, to increase the quality. I give strength and energy, a sort of high quality waiting for a strategy. Today I know I've only one life to live. It is a music and testimony I write before I live. The way I go, the comments that you receive, a lyrical philosophy to every youth I wanna give. You can't kill the night, it only needs a period. Might the word to be forgotten, so please just remember me as a part of you. Cause you know right after I'm gonna wanna live in your mind. Wanna rest in your soul, wanna dance in your smile. Follow every step you go, follow every move you make, every emotion you show. I look after you, my love will never know. No one lives forever. Welcome in this world that we make together. No one lives forever. No one lives forever. Welcome in this world that we make together. I don't wanna waste my life in things I don't care about. My existence is all mine, I know time is running out. DNA is made of light, to go through every fight. Programmed to spread my love, this act direct from above. I'm a spirit and a body, created in harmony between the four elements. You see, I'm a stone, a star, a tree, I'm a voice in your ear. You're my judge when I'm here, I will no longer be here. So I hope my God will hear. After I'm gone, I will take the work I've done to build a brand new kingdom and of happiness and freedom. If I fail, you'll have to tell this man, tell the story of this guy who tried to save the earth from hell. I wanna be your memory, so I will not forget. You are the only way for me which makes my life complete. We are all a part of a bigger universe. You're my goal, you're my organ, you fill my spirit goals. Some of them I know, some of them I'm falling. I say my other when I'm playing my music. Of this living choice, you're the witness. All as one, ignite is mindfulness. No one lives forever. Welcome in this world that we build together. No one lives forever. Forever. Welcome in this world that we live together. No one is forever. I'm a part of you. You're a part of me. You're my way to cure my destiny. You're my weakness and my power. Welcome in this world that we build together. No one lives forever. No one lives forever. Welcome in this world that we build together. No one lives forever. Je ne m'enfermerai pas à la maison. shadows are feeling the same. The shadows are feeling the same. From the gray of sky, like words in my mind, like words in my mind. We'll be right back. Merci de nous retrouver le vendredi soir à partir de 19h30 dans l'émission Mavrika. Alors, des émissions un peu spéciales hein, depuis 3 éditions. Donc, c'est l'émission numéro 448. Hein, voilà. On arrive bientôt à 500. On est pas très loin. Et puis, on a fêté la semaine dernière les 10 ans de l'émission. Donc, c'est des émissions un peu spéciales parce que vous savez, l'émission Mavrika, c'est l'émission avec des morceaux de live dedans. Et là, les vrais morceaux de live, ils sont pas là, donc on les a enregistrés, on en diffuse. On a aussi plein d'enregistrements de tous nos artistes que nous avons reçus pendant de nombreuses années, hein, dans 10 ans quoi. On fait des émissions 100% musicales dans lesquelles on diffuse beaucoup de musique. Alors tout à l'heure j'avais arrêté un petit peu de vous énoncer un peu tous les morceaux, mais on va y revenir un petit peu. Donc je vous avais laissé avec Shaman, le titre c'était Union. On a écouté aussi les Summer Chains avec Live is Beautiful. Les Shaky Mets qui ont participé à un Mavrika Live, c'était le dernier, le 11, hein, les Shaky Mets, un groupe que j'adore, hein, qui était venu de la région parisienne. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Back from Hell. On a écouté aussi Zbla avec Lawn Shaker, les Infernal Flash Pep avec Je te jette, les Orphan Black avec Silent, Jack F avec The No Name Song, les Eleanor avec La Mauvaise Foi, Mathis Poulain avec Ce Monde Parfait. Voilà, on a le droit de rêver. Enfin, je sais que c'est un utopiste, il nous l'a dit lui-même quand il était venu ici dans les studios. Max Livio avec La Nuit Je Mens, une reprise d'Alain Bachung, oui, c'est tout à fait ça. The Wailing Trees, un groupe qui est pas venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qu'on a eu la chance de rencontrer, c'était à Balade en Musique. Et je me souviens, on avait fait l'interview, il devait être 2h du matin, tout comme ça. Et donc, c'était le groupe de Black, The Wailing Trees. Les Black Trees, c'est juste après. Les Wailing Trees, donc, avec No One Lives Forever. Juste après, on a écouté Vindicta, un groupe qui n'existe plus. Hein. Bon, là, c'est avec des membres des No More Back. Mais ils nous avaient fait un morceau qu'on aime beaucoup qui s'appelle Aux Armes. Les Black Trees avec Until the Sun Get Down. Voilà, et puis maintenant, on arrive bientôt à la fin de cette mission. Donc, on est ensemble jusque encore 10 minutes. On va peut-être dépasser un petit peu parce que j'ai fait une petite programmation. Je vais vous dire tout de suite les titres qu'on va vous diffuser. Alors, on va écouter les Mockingbirds qui étaient venus il y a quelques temps. Donc, un groupe qu'on a découvert avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Mockingbird qui interprétera un morceau qui s'appelle Cold Gin. Les Mirages, un Mirage qui nous fera un morceau qui s'appelle Mania. Les Miss Grad & Co aussi qu'on a découvert dans le courant de l'année 2020 avec un morceau qui s'appelle Until the Sun Get Down. Non, je me suis trompé de ligne. C'est My Road Song. Voilà, je suis en train de dire en même temps. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez toute la liste, de toute façon, allez sur le Facebook de l'émission Mavrika. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tous les morceaux qu'on a écoutés. Comme ça, il y en a certains qui vous ont plu. Ben, vous saurez quels sont les artistes qui les ont interprétés et quels sont les titres de ces morceaux qu'on a écoutés. Et puis, on écoutera aussi The Riz avec Les Temps Modernes. Et puis, on terminera avec Kill the Shade KTS avec un morceau qui s'appelle Run. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et puis, en tout cas, je remercie tous les gens qui sont intervenus sur Facebook. Vous étiez nombreux. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet en même temps que je diffusais les morceaux. Et puis, justement, ça m'a donné beaucoup d'idées pour la programmation. Donc, la semaine prochaine, c'est vous qui faites la programmation. Vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika, tout simplement. Et à la fin de cette programmation d'aujourd'hui, vous avez un petit commentaire. Et là, je vous demande de lâcher vos coms et de dire quel titre vous aimeriez écouter. Alors, la plupart, je les connais. Il y en a certains que je vais devoir rechercher, mais je le ferai pour vous, hein, ça vaut vraiment la peine. Et comme ça, moi, je découvre aussi des nouveaux titres et ça nous permet de passer des bons moments ensemble. En tout cas, moi, ce soir, j'ai passé un super moment. J'étais surpris par la musique que je passais moi-même. Et c'est vrai que quand on est tout seul comme ça, on prend plus le temps d'écouter que quand il y a des gens ici dans les studios. Il y a beaucoup d'actions, etc. En tout cas, c'est toujours un moment de bonheur. L'émission Mavrika, aujourd'hui, l'édition numéro 448, va bientôt se terminer. Et puis, je vous laisse encore avec un petit peu de musique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des petits commentaires, ceux qui nous ont appelés aussi. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir. On va essayer de continuer à tenir cette dynamique de l'émission Mavrika, même si les temps sont un petit peu durs en ce moment. Mais ça va repartir très doucement. Et puis là, il va y avoir les vacances, donc on reste calme. Et puis à la rentrée, je pense que ça va bouger. Et puis en tout cas, on encourage tous les artistes par ces moments difficiles. Bon, voilà, dès que ça sera possible, allez au concert, allez les voir, je vous l'ai toujours dit. Et là, en ce moment, ça nous manque un petit peu et on a vraiment envie de passer des bons moments en musique. Voilà, tous ensemble. Voilà, cette émission, on va bientôt se terminer. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à partir de 19h30. C'est l'émission Mavrika. Actuellement, je suis tout seul et dès que c'est possible, on essaiera d'avoir des invités. Et sinon, on va essayer de se débrouiller et peut-être faire aussi des interviews par téléphone. C'est déjà prévu. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. less than I ever would. Shame for every thought. Though my love is pure, don't want anybody to be hurt. Just need to die. Don't want anybody to be hurt. Just need to die. Don't want anybody to be summer walk